ça c'est vérité. Mais qu'on y est là, nous vivons moins clair, fait réaliser. Sans nous même fanatiques, nous y avons pas d'argent privé. Nous vînons prendre la dimension, qu'on va nous vînons changer. Merci.